Merci d'avoir choisi ce morceau. Nous sommes ensemble. Quelques instants. Je veux vous parler. C'est maintenant. L'introduction. L'introduction, c'est un peu une carte de visite. C'est la partie stratégique. La partie où il faut séduire, montrer qu'on a compris le sujet. Il est essentiel d'être sourcilleux sur l'intro et bien décomposer les étapes. Tout d'abord, il faut une amorce. paraît-il, m'ont fendu l'occiput. Des choses qui arrivent dans les disputes. Mais les disputes, ce n'est pas cher payé. Si je peux te ensuite surveiller. L'homme idéal, c'est moi. Il fallait désigner quelqu'un qui en profite. L'homme idéal, c'est moi. Et Jacques a dit, ce serait toi. Bertrand, à quoi vous pensez le soir en vous couchant? Souvent, on me demande mes trucs. C'est quoi vos trucs, mon secret, vos secrets? En un mot, comment je fais pour être ce que je suis? Comment vous faites pour être... Je réponds généralement, si je le savais, du coup, je ne le serais pas. Ah bon? Eh oui, forcément. Si vous... Je vous laisse cogiter à ça. Une garniture à pizza. Laquelle? Toutes tes amies ont balancé des porcs. J'ai bien peur qu'il en reste encore. Jamais n'ai-je tenté le harcèlement. Ici on fait de l'art seulement. Dès lors, l'homme idéal, c'est moi. Longtemps cherché quelqu'un qui m'aimait. L'homme idéal, c'est moi. De suite, ce serait toi. Because l'homme idéal, c'est moi. La vie est courte, donc savoure et profite. L'homme idéal, c'est moi. Et ne vois pas qui d'autre à part toi. Thank you. sûr, mais les belles savent cher. Savoir ma belle, je t'embrasse, je t'aime, tu es belle. Ton ventre, tes seins, elle et moi. Avant de parler de l'avenir, l'occasion de feuilleter avec vous votre vie. Est-ce que vous regrettez quelque chose? Est-ce que vous la recommenceriez de la même façon? Avec un bout de sol entre les doigts. Le trou que j'avais fait par terre s'est rebouché doucement. La matière dans ma main sentait bon. J'en ai mis un peu dans ma bouche. C'était délicieux. se mangent. Merde. Les copains sont arrivés avec des bouteilles. J'ai allumé mon enceinte. Le son dans cette pièce était incroyable. On buvait, mais les bouteilles ne se vidaient pas. Ceux qui avaient faim se baissaient et se servaient. On s'est mis à danser. Chambre magique. Ça dansait serré. Il n'y avait pas de toilette. Certains se sont mis à pisser dans les coins. Le sol absorbait l'urine immédiatement, ça le sentait rien. Ceux qui avaient trop bu vomissaient et regardaient leur vomi disparaître dans la lueur du sol. Puis au bout d'un moment, les trous qu'on faisait en mangeant ont arrêté de se reboucher. Le sol n'absorbait plus rien. L'odeur s'est mise à tourner. Le son s'est mis à cracher, la pièce tremblait. La lumière aussi avait changé, blanche et blafarde. C'était moche pour une fête, alors on est parti. Certains voulaient nettoyer, mais finalement on est juste parti. On n'a jamais su chez qui on était. Chocolat. Si tu n'existais pas déjà, je t'en vendrais. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sous les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche et jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Thank you. with you, you with her. All together, stronger. Assoiffé d'amour et de reconnaissance, le feu de l'impatience consume nos cœurs. Chère France, terre de notre naissance, comment te dire notre colère, notre douleur? Méprisée, alors que nous sommes fiers. Divisée, alors que nous sommes frères. Incandescent dans l'immensité de notre rage, qui nous porte, nous nourrit et nous brûle. L'amertume de l'histoire de tes autres habite nos chairs. Et pourtant, dans notre détresse, nous rêvons que tu es notre mère, que pleine de tendresse, tu nous accueilles à bras ouverts, comme des enfants longtemps désirés. Car d'ailleurs, nous sommes d'ici. Reine de là-bas, nous sommes tes arbres d'aujourd'hui. Nous avons tellement besoin d'être aimés. Regarde comme nous sommes beaux. disparaisse au ciel, je n'aurai que de l'air. Mais si je prends soin de toi, ma terre, j'aurai ta bénédiction. Où pourrais-je m'abriter si j'abandonne ma terre? Ma seule amie fidèle, ma terre noire. Thank you. aussi une source de motivation par la suite. Puis eux, c'est genre, c'est plus subtil, c'est comme. C'est aussi genre, tu vas vivre du rejet, genre. Puis genre, si tu rejettes, il est comme full poli. Puis bah, tu peux pas démonifier la personne qui te rejette. T'sais, c'est juste comme genre, t'es juste pas assez ce qu'on veut. T'es pas ce qu'on veut, soit. Puis c'est que moi, je pense que j'ai préféré. Ça fait vraiment une bonne situation secondaire à ça, genre. Une bonne situation secondaire à ça. Tu veux aller nu, genre, quand tu te vas bien, tu as besoin de l'adversaire. Trois fois le tour du monde, ou presque. Sans futon, sans hamac, sans nuit à la belle. D'autres étoiles alignées en standard international. Trois, voire quatre. Ni couvert, ni toit, ni partage. L'autre efface l'autre. Les terres inconnues sonnent-elles des terres inconnues? Beautés ignorées, paysages délaissés, orgies en face à face, en somme. La concentration seule dans les yeux de l'autre, le goût juste dans la peau de l'autre, épices et saveurs incarnées là. L'obsession de l'orgasme, d'une longue plainte qui ne voudrait jamais finir, encore, encore, encore. État dit amoureux, t'as dit, ça gomme le reste. Beijing, Shanghai, Hong Kong et Tokyo. Prieuré trop fade. Canapé rouge. Encore. Encore. Encore. Le mojo est l'ivresse. L'inconséquence légère. C'est rouge, brûlant, fancy, gluant. Comme le canapé. Trois fois le tour du monde, ou presque. Un bouillon. Un brouillon copieusement raturé pour le chef-d'œuvre d'une grande histoire, qui sait. Un brouillon pourtant, encombré de grumeaux. Un texte difficile à lire qui suffoque, qui hoquette. Une plaie mal cicatrisée, une écorchure à gratter, la morsure d'une araignée. État dit amoureux, t'as dit. Ça pique un peu, non? Un venin. Les tristes savent l'antidote. Les tristes ou les autres, moi. Je ne sais rien. Jamais. Trois fois le tour du monde, ou presque. Glisser, abandonner, autoriser, appeler. Crier, s'offrir, se pardonner. Croquer la chérie du sour avant qu'elle infuse l'eau. Revendiquer. And surrender. Trop, c'est trop. Surrender, amour. La musique comme la transe, l'amour comme l'oubli. Dans d'autres coins du monde. Comme Arthur Rimbaud. Trop, c'est trop. L'aiguille hypodermique me cherche les lipides.

donnant, c'est le requiem pour un camp. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à toi mais moi deux. C'est le rein, c'est ton joli terme, tu nous trouves un nom semblable à toi-même. Les orgues qui remettent ça, faut que t'apprennes par cœur. C'était là que tout n'est pas même une hésitation. C'est le requiem pour un con. Quoi tu me regardes, tu n'apprécies pas. Mais qu'est-ce qu'elle a donc? Ni vivant, ni mort. Mes amis m'ont dit que la vie était belle. What the fuck, what the fuck, what the fuck else? Plus facile à dire que c'est facile à faire. Décidément, je suis pas de ceux qui préfèrent. Crisser mon lapin, montrer du respect. Shut the fuck up, rentrez pas dans ma zone. Je suis socialistique dans la haine que j'impose. T'es pas l'exception, t'es pas la cause. Non. Fuck no. Shout out my life, shout out to Montreal, baby. Ok. Je me souviens de nos raids avec les mains dans le ciel. On brûlait les stops jusqu'à brûler nos ailes. Pour décalisser jusqu'à quand j'avais ma dose. Puis checker de la ponche pour filer quelque chose. Maman, papa, non mais je vois plus personne. Je sais plus ce que je suis venu calisser ici. Shout out my life, shout out à Montreal, baby. Damn. Combien de filles faut que je fuck pour que mes amis m'admirent? Combien de dick il faut que je shot pour que je sois assez queer? Hein? Combien de temps je peux tenir comme ça? Combien de secrets que je te dirais pas? Fuck, calls me. Man, shout out my life, shout out my child, baby. Ok. J'ai deux numéros si je vais trouver mon fun. J'ai un numéro si je vais trouver un gun. Je vais laisser le destin décider mon sort. Boom. Mort. Shout out my life, shout out à mon joyeux bébé. Hey bébé, j'ai pas l'habitude de me prendre pour une cible. Si j'ose y aller, c'est que le style libre. J'ai choisi la vie, c'est pour servir la cause. J'ai choisi la mort, ce sera pas l'overdose. Non, fuck non. Shout out my life, shout out à mon joyeux bébé. Vous avez lu l'histoire de Jesse James. Comment ont-ils vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez. Écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Voilà, Clyde est une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est... Bonnie. I do the form like on the barrel. Love. Bonnie Parker. Et Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Société qui m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Qu'est-ce qu'on a pas écrit sur elle et moi? On prétend que nous tuons. De faire taire

Très loin d'ici, en Europe orientale, dans la région montagneuse des Carpates, se trouve un château mystérieux, entouré de brumes et de cris d'oiseaux. Mina, une jeune femme vagabonde, marche seule dans la forêt. Il fait froid. La nuit tombe et ce soir, la lune paraît trop ronde. Les animaux de la vallée se sont arrêtés, intrigués, curieux. Ils regardent la jeune femme. Elle semble chercher son chemin. Macabre et glaçante, sordide et agaçante, peu rassurée, elle rentre d'un pas feutré dans une cave désaffectée de toute émotion, d'électricité. Et doucement, le parquet craque. Thank you. sais, moi, genre, on se voit pas souvent, là, mais je suis pas à la tête de te parler. Tu comprends? Mais lui, c'est comme. Il va pas faire l'effort pour aller te parler, là. Jamais. Il dit que, genre. Il dit quoi, qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit juste comme. Ben, il est pas là. Tu sais, ben. C'est content de te voir parce que t'es ton ancien ami, tu comprends, quand il te voit. Mais pour lui, tu fais pas partie de sa vie comme, mettons, tu vas faire partie de la mienne. Oh, je comprends. Non, je comprends. Non, mais c'est la réalité, c'est poche, mais c'est le même. Puis genre, j'aime pas plus. Non, puis de mon bord, on est pas, je suis pas plus, je vois pas plus de ces nouvelles, mettons. Ben, tu sais, des fois, j'ai dit, là, j'arrive, là, puis je le vois, puis je dis, ouais, j'ai jasé un cubard, là, genre 2-3 jours. Non, mais t'as parlé avec. Ben oui. Mais qu'est-ce qu'on s'appelle des fois, là? Mais du coup, dans sa tête, c'est quoi? Ben, lui, dans sa tête, t'es plus là. Genre, t'es existé. Genre, ça l'étonne que je continue à te parler, puis je fais, ben, Chris, essaye. Colle-le une fois. Ouais. Il fait pas, là. Mais tu sais, c'est de la vraie douleur. C'est pas la même douleur que quelqu'un qui. Dans une vidéo gore qui se coupe le pénis en deux. C'est de la vraie douleur. Merci d'avoir choisi ce morceau. Nous sommes ensemble.